Mon amoureux a fait un groupe en bronze de 10 pouces de hauteur, reprit la cousine bête. Ça représente Samson déchirant un lion, et il l'a enterré, rouillé, de manière à faire croire maintenant qu'il est aussi vieux que Samson. Ce chef-d'œuvre est exposé chez un des marchands de bric-à-brac dont les boutiques sont sur la place du Carrousel, près de ma maison. Si ton père, qui connaît M. Popineau, le ministre du Commerce et de l'Agriculture, ou le comte de Rastignac, pouvait leur parler de ce groupe comme d'une belle œuvre ancienne qu'il aurait vue en passant, il paraît que ces grands personnages donnent dans cet article, au lieu de s'occuper de nos dragons, et que la fortune de mon amoureux serait faite s'ils achetaient ou même venaient examiner ce méchant morceau de cuivre. Ce pauvre garçon prétend qu'on prendrait cette bêtise-là pour de l'antique et qu'on la payerait bien cher. Pour l'or, si c'est l'un des ministres qui prend le groupe, il ira s'y présenter, prouver qu'il est l'auteur et il sera porté en triomphe. Oh, il se croit sur le pinacle. Il a de l'orgueil, le jeune homme, autant que deux contes nouveaux. C'est renouvelé de Michel-Ange, mais pour un amoureux, il n'a pas perdu l'esprit, dit Hortense. Et combien en veut-il? 1500 francs. Le marchand ne doit pas donner le bronze à moins, car il lui faut une commission. Papa, dit Hortense, est commissionnaire du roi pour le moment. Il voit tous les jours les deux ministres à la chambre, et il fera ton affaire, je m'en charge. Vous deviendrez riche, madame la comtesse Steinbock. Non, mon homme est trop paresseux. Il reste des semaines entières à tracasser de la cire rouge et rien n'avance. Ah bah, il passe sa vie au Louvre, à la bibliothèque, à regarder des estampes et à les dessiner. C'est un flâneur.